Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et à 23h. Cette semaine, Des arbres et des hommes, une série de Johanna Bedeau, réalisée par Angélique Thibault. Au départ de cette série, il y a les forêts sombres qu'on a dans la tête. Le souvenir des journées où l'on grimpait dans les arbres, le contact de l'écorce, l'odeur de la mousse, les mains vertes, les ongles noirs, les marrons brillants qu'on lisse au fond de nos poches et l'impression d'avoir affaire à quelque chose de fort et de solide. Alors pour commencer, les personnages. Un arboriste enthousiaste, un jardinier urbain, un paysagiste qui imagine, un géographe dendrophile, un anthropologue de la nature et un artiste qui s'attaque aux troncs et aux souches. Ensuite, le décor. Une camionnette, des arbres malades, des bouffées d'air pur, la canicule, des villes minérales, des arbres prêts à tomber, des boulevards, des parcs et des squares, des places ombragées, des grilles d'arbres, des plantules entre deux pavés et toujours quelques particules fines. Aujourd'hui, 3e épisode, on arrive en ville. Spécialisée en droit international et dans les droits de l'homme. Et puis depuis donc quelques années, je travaille sur la promotion de Valérie Cabanès, de ce qu'on appelle les droits de la nature et la reconnaissance du crime d'écocide comme un crime de guerre, comme un crime de génocide, comme le crime contre l'humanité. Donc l'écocide, c'est un terme ancien hein, qui a une cinquantaine d'années, qui avait été utilisé en fait pour parler de l'action américaine pendant la guerre du Vietnam, quand l'armée américaine a déversé l'agent orange du défoliant et donc a littéralement tué les écosystèmes vietnamiens, cambodgiens, laotiens. Et le terme d'écocide a été utilisé parce que en tuant justement la vie, en tuant les arbres, les plantes, cela a eu une répercussion sur la vie de toutes les générations humaines suivantes, puisque des enfants naissent encore aujourd'hui avec des malformations en lien avec cette contamination de l'environnement. Sauf que cela fait 50 ans que des juristes demandent à ce que justement ça puisse être reconnu comme un crime autonome, pas forcément un crime de guerre, puisque à l'heure actuelle on voit bien qu'on détruit des écosystèmes vitaux, non pas en situation de guerre, mais simplement par le biais de nos modes de consommation et de notre activité industrielle. Une forêt a le droit d'exister pour elle-même, mais aussi pour tout ce qu'elle apporte et ce à quoi elle contribue dans le maintien de la vie, dans le bien-être qu'elle procure, dans la relation ancestrale, traditionnelle, spirituelle, historique, culturelle que les peuples peuvent entretenir avec elle. C'est presque une personne. Et ce que nous disent les peuples autochtones quand, par exemple, ils octroient des droits à une rivière ou à une forêt? Je pense par exemple aux Maoris en Nouvelle-Zélande, qui ont donc reconnu comme une personnalité juridique et une entité vivante à part, ou comme ces juges de la Cour suprême colombienne qui ont reconnu à l'Amazonie son droit à exister et une personnalité juridique. Ils nous disent « je suis la rivière, je suis le parc, l'homme est un élément de la nature comme un autre » et il inscrit aussi son histoire à travers les éléments de la nature. Et pour moi, il est important qu'il puisse évoluer au regard de la réalité biologique à laquelle nous faisons face, qui est que nous sommes en train de détruire la vie sur Terre. Nous sommes chaque arbre qui est en train de brûler, nous sommes chaque animal qui est en train de souffrir, et que nous soyons dans le respect du vivant. Nous sommes en 2100. La température mondiale a augmenté de 4,8 degrés. Vagues de chaleur, l'inertie extinction d'espèces ou encore diminution des calottes polaires. Le GIEC prévient. Paris sous les eaux, des rues entières inondées, le métro paralysé et surtout une panique générale à canaliser. Si la Seine déborde, les principaux territoires touchés seraient le Val-de-Marne et les Hauts-de-Seine, dont la Défense, le plus grand quartier de la terre d'Europe. Johanna Bedeau, Angélique Thibault. Un arbre dans la vie. Forests cover about 30% of the planet. And the ecosystems they create play an essential role in supporting life on Earth. Lorsque vous regardez aux 20h la flotte qui tombe dans les galeries du métro à New York, lorsque vous regardez les incendies à Malibu aux portes de Los Angeles, ou bien l'impact d'un tremblement de terre, etc., tout ça, ça va être effectivement... On y est et ça ne va pas s'arranger, malheureusement. Gilles Lantier. On a aujourd'hui quelque chose comme 500 millions ou 500 ou 600 millions d'urbains qui vivent sur les côtes. Donc c'est très conséquent. On assiste à une chose qu'on n'avait jamais connue, c'est la globalisation du risque. Dans le temps, on parlait de la globalisation de l'économie, on parlait de la globalisation aussi des mœurs, des modes de vie, etc. Oui, ok, mais là maintenant c'est la globalisation du risque. Et effectivement, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a 30 ans, on ne voyait pas, on n'imaginait pas Miami ou la Nouvelle-Orléans, comme il y a eu avec l'ouragan d'il y a quelques années. On n'imaginait pas la flotte dans le métro de New York. C'est la vraie crise urbaine. Hein. C'est ça la globalisation du risque. De toute façon, il n'y aura pas de retour en arrière. Il y aura de plus en plus de gens qui vivront en ville et il y aura de plus en plus de grandes villes, de très grandes villes, de mégapoles, avec tous les problèmes accrus que ça peut connaître du fait simplement qu'on met ensemble 20 millions de personnes dans une ville et une situation qui ne s'arrangera pas avec le changement climatique. Le développement durable, ce n'est pas que de l'environnement, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, c'est social, c'est économique, et un problème de développement durable et d'appropriation de la ville, c'est tous ces gens qui n'ont pas le droit à la ville. Plus ils y accéderont, mieux ça ira. Moins ils y accéderont, plus ça se disloquera. Déjà, il y en a les trois quarts qui vivent dans les villes du Sud. Est-ce qu'on va pouvoir réinjecter du végétal dans toutes les villes ? Au nord, on peut l'imaginer. Au sud, le gros problème, c'est les ressources, c'est les urgences. Ils ont des moyens qui sont 10, 100, 1000 fois inférieurs aux moyens dont disposent les villes du nord. C'est pour ça aussi que lorsqu'on dit la ville de demain, c'est vu par des gens qui sont sud-coréens, qui sont des Danois de Copenhague. Je trouve que quand même, s'il faut être gonflé, oui, un peu, dans la mesure où c'est quand même très égoïste. Le fait que ces gens du Nord pensent du Nord, avec les moyens du Nord, la réflexion du Nord, et oublient au passage que les trois quarts des gens vivent au Sud. Fabien Joséphine, il est là, derrière nous. Donc, il fait partie d'un groupe de trois. Donc, c'est celui du milieu. Oui, mais c'est ça, ouais, c'est entre les deux. Pour bien faire, il faudrait qu'on tire vers là-bas. Oui, bien sûr. Le petit, là. Séquoia. Ouais, le séquoia, mais ça prend un peu sur la droite, quand même. L'axe vraiment, bon axe d'inclinaison, c'est bien s'il y a le platane, là-bas. Là-bas. Donc là, on va se mettre sur le platane qui est tout en face, là-bas. Quand je dis se mettre, en fait, c'est là qu'on va installer un treuil. Et c'est là qu'on va, c'est vers là-bas qu'on va disposer les câbles pour exercer les tractions sur l'arbre. Vincent Deluce. Ah, il est pas mal. Oui, ouais. Ouais. Je ne l'avais pas repéré, mais je suis tout à fait d'accord. Il est un peu loin, mais on est dans le bon sens, là. Donc, il y en a cette altération-là à la base de l'arbre qui est pareil, il faut tirer dans cette direction-là. Donc, c'est la direction de faiblesse. Donc, on va tout mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'un arbre ? On va prendre simplement un exemplaire bien concret, là, à côté de nous, pas très loin, à quelques mètres. Un très gros chêne, diamètre 80 cm, penché un peu contre le ravin boisé, avec une écorce très épaisse, avec des stries longitudinales, avec des jarsures profondes, typiquement une écorce de chêne qui protège très bien l'arbre. Ernerzurcher. La couronne, on ne la voit pas tout à fait jusqu'à son sommet, c'est peut-être 20 mètres de haut. On voit quelques branches avec quelques feuilles. Et comment l'arbre en est-il venu là? Pour trouver la réponse, il a dû faire des racines en même temps que des branches et des feuilles. Et tout a commencé en fait avec une graine. Donc le gland de chêne a germé. Une racine est partie tout de suite dans le sol assez profondément et une toute petite tige en est sortie, peut-être 10 ou 15 cm. Et qu'est-ce qui s'est passé entre ce premier gland qui a germé et cet arbre qui a presque un mètre de diamètre? C'est que à la fin de la première année, on peut le voir ici sur ce chêne-là, ce petit chêne à côté de nous, c'est donc lui il y a 100 ans, à l'aisselle des feuilles, à la base des feuilles de cette année, il y a une petite structure fermée, assez pointue, qu'on appelle le bourgeon. Alors si vous prenez une lame de rasoir et que vous coupez ce bourgeon en long, avec une bonne loupe, vous allez voir que ce bourgeon, ce n'est pas seulement des écailles, ces écailles protègent quelque chose, c'est un embryon. Un embryon de tige qui est déjà préparé cette année-ci pour l'année prochaine. Protégé par les écailles brunes. Cet hiver, les feuilles vont tomber. Il n'y aura plus que la tige avec son bourgeon. Et au printemps prochain, vous aurez l'éclosion du bourgeon, une nouvelle tige qui se forme avec ces nouvelles feuilles. Et au bout des nouvelles feuilles, il y aura de nouveau un bourgeon. Et il y aura des bourgeons latéraux cette fois, avec des tiges latérales qui vont se faire, mais surtout une pousse terminale. Donc la deuxième pousse va ajouter 20 cm. L'année suivante, encore 20 cm. Et chaque fois, la pousse va devenir un peu plus épaisse. La tige ajoutera une couche d'épaisseur, elle va ajouter un cerne d'accroissement de bois. Et progressivement, vous aurez les cernes qui vont s'ajouter jusqu'à en avoir 100 autour du premier. Et vous aurez un arbre qui aura grandi étage après étage, et fait une grande couronne à partir de tous ces bourgeons sur une assise organique végétale qui lui appartient en propre. Tu viens avec la voiture là-bas et on se retrouve au pied du platane. Okay. Christophe Marx, qu'est-ce que c'est ça, le... des champignons? C'est des carpophores là, qui sont en train de fructifier sur une ancienne souche. Ce qui dépasse là, de ce côté-là? Alors on voit exactement comme enfin, le champignon avec un pied et un petit chapeau. Et au fait, ça fructifie là sur l'ancienne souche d'un arbre qui a été abattu. Pourquoi il a été abattu celui-là? Il en reste 3 autres, mais pourquoi celui-là a été abattu? Alors cet arbre était donc atteint par un champignon qui s'appelle Armillaria melea, qui est un pourridier racinaire qui détruit complètement le système racinaire de l'arbre et qui pourrait entraîner le basculement de l'arbre complet. Alors, la question qu'on peut bien sûr se poser quand on abat un de ces arbres qui fait partie d'un groupement, c'est est-ce que les autres arbres sont atteints? On a déjà des signes sur un des 3 restants qu'il est effectivement atteint aussi. Hein, donc au fait, il y avait 2 hêtres, un chêne et un marronnier. Il doit avoir tout en place au sol et il grimpe ensuite. Ah, d'accord. C'est pas un platane, mais je dis que c'est un platane. Le végétal a son importance, évidemment, partout. Et si, dans la ville, il joue un rôle considérable, hein, sur les questions qui sont celles de la température, de l'accueil, de la diversité, de... Gilles Clément. De choses qui sont donc comme ça, si on le dit comme ça, sont associées à une espèce de lecture scientifique de l'environnement, mais c'est beaucoup plus fort que ça. Les végétaux, quand ils n'existent pas dans une ville, ils sont demandés par les habitants. Parce qu'en fait, ils ne peuvent pas s'en passer, même s'ils ne savent pas pourquoi. Quelquefois, c'est juste pour les regarder. C'est juste pour se mettre à l'ombre un peu. C'est pas grand-chose, mais c'est tellement vital. Se protéger aussi d'un mal-être. Mais c'est ça, c'est exactement ça, se protéger d'un mal-être. C'est juste vital. Déjà, il y a un constat qu'on peut faire, c'est qu'on fait par exemple des psychologues allemand, je crois, qui montrait à des étudiants, des groupes d'étudiants, des séquences vidéo de 15 secondes sur différents environnements. Jacques Tassin. Et il mesurait aussi la fréquence cardiaque, le taux de cortisol, enfin tout un tas d'indicateurs de l'état de stress, des séquences de 15 secondes seulement. Et le type de séquence qui réduisait le plus l'ensemble de ces indicateurs en faveur d'un apaisement, ce sont des séquences d'arbres, représentant des arbres. Et même, il y a d'autres psychologues qui ont montré que la simple couleur verte, l'évocation d'arbres, produit cet apaisement. Moi, je pense que notre corps, si nous l'oublions, notre corps, lui, ne l'oublie pas. Ce bienfait des arbres sur notre être, puisque finalement les arbres ont ce pouvoir de tempérer, d'atténuer les excès, qu'il s'agisse d'excès climatiques, de régulation des eaux, de taux de carbone dans l'air, etc., mais aussi finalement nos propres excès. Et lorsqu'on est un peu trop nerveux, bah, finalement, tout le monde le sait, une bonne promenade sous les arbres ou dans une forêt, s'il y en a une pas trop loin de chez soi, ça nous fait beaucoup de bien, ça nous apaise. Et ça a été montré de quantité de fois, y compris dans des hôpitaux, où il y a une très belle expérience qui a fait un peu date, dans le sens où elle a inauguré d'autres expériences similaires, qui a été conduite par... C'était un architecte, c'était pas un médecin, mais qui a recueilli, dans les années 70 et 80, des statistiques aux États-Unis. Il a regardé la durée de séjour de ses patients, mais aussi il a regardé si depuis leur chambre ils avaient en face d'eux un mur ou bien des arbres. Et ceux qui avaient la chance de voir des arbres sortaient plus vite et prenaient moins d'antalgiques, donc d'antidouleurs, que les autres. Donc ça, c'est pas très surprenant si on se souvient que nous sommes des primates. Ça fait partie des choses aussi qu'il faut se rappeler aussi quand on s'intéresse aux arbres. C'est finalement se rappeler ce que nous sommes nous-mêmes. C'est quand même une histoire qui dure depuis 65 millions d'années. Nous, on a quitté les arbres il y a 300 000 ans. Et 300 000 ans, ça fait 5 millièmes seulement de cette histoire, de cette très longue histoire. Donc finalement, notre corps a été façonné au gré de cette très longue histoire où nous étions, non pas au pied des arbres comme aujourd'hui, mais dans les arbres. Donc forcément, il nous reste quelque chose. Et si nous... Dans notre système de connaissances, de représentation du monde, dans notre culture, nous l'avons oublié, notre corps, il n'a pas oublié. Tu vas en tête dans le chêne, tu vois, dans la fenêtre, là, comme ça. Ouais. Tu vas dans le chêne et on passera comme ça. De toute façon, on te guidera. Hein, ouais. Parce que tu veux aller dans le chêne, tu sais déjà où tu veux aller? Ben, le chêne, oui, ben, tu vois, il y a l'inclinaison. Donc avant, qu'il y ait une grosse courbure qui l'amène comme ça sur la gauche. Ouais, là où tu vois la flèche. En gros, là, dans le... Ah, donc c'est assez bas. Il y a une belle fourche, on dirait, là. Tu vois, oui, ouais. Là, ouais. Là, ce serait bien, là. Première grosse fourche du chêne. Tous les arbres qui ont des gros arbres, qui ont des symptômes qui nous permettent de mettre en évidence qu'il y a une détérioration du système racinaire, pour lequel on a fait toutes nos investigations, c'est-à-dire les fameuses échographies, tomographies, résistographies, aussi l'approche visuelle, la connaissance des champignons. À partir du moment où on a fait le tour de tout ça, et qu'on a clairement identifié la présence d'un pathogène qui s'attaque au système racinaire, on fait appel à Vincent Delus pour compléter et confirmer ce qu'on a déjà pu observer auparavant, et pour surtout avoir un coefficient de sécurité de cet arbre. Parce qu'on parle bien d'un coefficient de sécurité, c'est-à-dire est-ce que cet arbre, avec une force de vent de 120 km/h, va résister, oui ou non? C'est ça ce qui nous intéresse de savoir. Parce qu'on est en ville, il y a des gens qui passent, qui jouent, il y a un parcours enfant. Oui, absolument. Voilà, on voit clairement déjà que cet arbre est incliné en direction d'un parc pour enfants. On voit un cheminement qui passe juste sous le houppier de cet arbre. Il est absolument inconcevable qu'un arbre comme ça vienne à tomber alors que nous avions des signes prémonitoires qui nous disaient qu'il y avait une problématique particulière sur le système d'ancrage. Je pense qu'on est quelque part toujours animal. On sait où est l'eau. Quelque part, dans une ville, souvent, même si on ne se rend pas compte, par la topographie, comme un animal, on sait que l'eau est plus bas. Et du coup, quand je fais des paysages à l'échelle d'une ville, j'essaye d'insérer des natures qui créent ces référents à l'échelle de la géographie. Basse-Met. Alors ici, on est dans la cour de la Fondation Anticipation. Et c'est une des 5 cours qui vont relier la Fondation avec le BHV par un parcours alternatif parallèle à la rue des Archives. Et du coup, c'est des cours qui auparavant n'étaient pas ouverts au public et que Lafayette a décidé en fait, de créer cette parcours qu'on m'a demandé de végétaliser. Du coup, ici, c'était plutôt une lecture à l'échelle de la ville, de se dire comment ces 5 cours peuvent produire un parcours intéressant, où est-ce qu'on veut de l'ombre, où est-ce qu'on peut travailler sur les odeurs, où est-ce qu'on peut travailler sur la présence de l'eau. Mais je ne me dis pas qu'est-ce que les gens vont faire ici. Après, oui, mais ce n'est pas le point de départ. Parce que sinon, le paysage devient trop fonctionnel, fonctionnaliste, et je ne crois pas. C'est, par exemple, quand on me demande de planter une haie autour d'une petite boîte électrique, je ne le fais pas. Le paysage n'est pas fait pour camoufler quelque chose. Du coup, le paysage n'est pas fait non plus pour permettre quelque chose à quelqu'un. Le paysage, pour moi, n'est pas individuel. Il a sa propre raison d'être. Et parce qu'il est très généreux, permet d'autres choses. On essaye d'aller un pas plus loin, en fait. Ce qui peut être magnifique aussi, c'est habiter le paysage plutôt que de vivre dans une ville. C'est incroyable ce que ça fait comme effet d'arriver dans cette cour pleine de travaux. Il y a un balcon qui est fleuri, mais plus que fleuri, qui est vraiment habité par la nature. Ce que ça donne comme bien-être tout de suite. Justement, nous, on l'a pris comme exemple de voir si on peut aussi amener des fleurs sur les autres balcons. Et du coup, on a pensé à proposer d'offrir à chaque habitant un bac à fleurs pour qu'ils puissent faire pousser des plantes. Parce que ça change tout. Moi, j'aime pas trop les animaux de compagnie. En fait, mais je respecte, évidemment, mais ça me semble bizarre d'avoir des chats ou des chiens à la maison. Emmanuel Coccia. Mais c'est bizarre qu'on donne des noms et qu'on psychologise totalement ces êtres-là. Mais c'est très rare qu'on dise, voilà, je te présente Wanda, qui est la chaîne qui est dans mon jardin, en fait. Pourquoi on ne donne pas de nom aux plantes? Pourquoi on commence à dire, il faut repérer tous les chiens, tous les chats qui sont dans une ville et voilà, il y a même des registres, etc. Mais dans la manière dans laquelle on fait exister, par exemple, les plantes en ville, on les fait exister toujours comme des décors, pas comme des êtres spécifiques qui ont une individualité. Pendant très longtemps, l'urbanisme s'est fait à partir des bâtiments, à partir de l'architecture, qui crée des axes, disons un urbanisme construit. Et le paysage est un peu le résultant de ce qui n'était pas construit. Et je pense qu'il y a eu un changement très important qu'on a vécu, peut-être nous, dans notre génération, c'est qu'on partait de l'idée que la ville était une sorte d'organisme compact entouré par la nature, avec une sorte de nature sans fin, illimitée. Et du coup, on avait le droit de faire ce qu'on voulait dans cette nature-là, parce que de toute façon, elle était illimitée. Je pense qu'on s'est rendu compte, peut-être récemment, que finalement la Terre est finie, limitée. Buckminster Fuller parlait de Spaceship Earth, comme si c'était un vaisseau spatial dont il faut prendre soin. Et du coup, on s'est rendu compte que nos villes médiévales sont devenues des métropoles et que finalement, au lieu de dire que la nature est à l'extérieur, il faut qu'on arrive à dessiner cette nature à l'intérieur de nos métropoles. On peut parler de métropole climatique. En fait, il faut essayer de définir des zones naturelles, paysagères, qui vont aider à rendre la métropole vivable, parce qu'il n'y a plus de nature à l'extérieur, parce qu'il n'y a plus d'extérieur, en fait. C'est ça le grand changement. Il n'y a plus des villes fortifiées dans une masse végétale. Tout est devenu métropole quelque part, et du coup, à nous de dessiner, de concevoir des paysages qui, quelque part, reprennent, en anglais, on appelle ecosystem services, les services de l'écosystème, capturer les particules fines, produire de l'oxygène, retenir l'eau, créer une évaporation pour obtempérer la température. En fait, tous ces services que nous fournit la biosphère Je pense que maintenant, on a l'obligation de les reproduire dans la métropole. Est-ce que c'est la nature qui vous donne l'exemple? Oui, je pense à ça quand je parle de l'arbre blanc qui a le projet qui a à Montpellier, cet immeuble qui est vraiment dessiné et pensé comme un arbre. Oui, j'ai plus de mal avec l'architecture qui imite la nature que le paysage qui imite la nature, pour être honnête. Je pense qu'il faut ne pas imiter l'image de la nature, mais la logique de la nature. Et souvent, on imite l'image. Ça n'a pas de sens parce que la nature change tout le temps. Il y a la saison. Il y a une croissance, du coup l'image de la nature n'est jamais fixe, la logique est fixe. Au début de l'aviation, tout le monde volait son avion où il voulait parce que de toute façon il y avait assez d'air libre. Aujourd'hui, chaque avion a un couloir, l'espace est organisé. Aujourd'hui encore, quand il y a un nouveau fibre optique, je ne sais pas quoi, on casse la rue, on met le fibre, chacun met un peu ce qu'il veut dans le sous-sol. Il n'y a pas de plan, il y a peu de régulation, mais pas trop en fait. C'est comme quand on est dans un paysage, soudainement on voit un horizon d'arbres, on n'essaye pas de comprendre pourquoi ils sont là, mais par leur présence, ils créent une identité. Et en fait, on les plante là où on peut. Je ne commence pas un projet par ça. Je le commence par le rêve. Je suis dans un espace où il y a une présence architecturale, des habitants, une histoire. Si les habitants de la ville acceptent la diversité, spontanée, parce qu'il n'y a pas que les arbres qu'on plante, hein, on peut dire de toute façon... Cette diversité-là, elle est d'accord pour vivre avec nous. Il n'y a pas de distinction et de jugement de la part des espèces qui arrivent, animaux et végétaux. Et nous ferions bien de les accepter justement parce que nous en avons besoin et que, en plus, s'ils viennent et qu'ils sont contents d'être là, leur gestion est gratuite. Mais l'accès aux méthodes de gestion gratuite aujourd'hui est fortement combattu, comme tout ce qui n'est pas en réponse à la loi du marché. C'est dommage et c'est idiot, mais ce que j'appelle le tiers paysage, il existe aussi bien dans la campagne que dans la ville. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le tiers paysage? Alors le tiers paysage, c'est justement l'espace où on ne fait rien. Là, il n'y a pas de jardinage, mais c'est un délaissé à l'origine. Laisse faire. L'histoire laisse faire. Même en ville, bien sûr, il y a énormément de délaissés en ville, c'est très bien. Et c'est là qu'on voit le plus de diversité, comme toujours. Hein. Mais c'est très dur de faire accepter aux gestionnaires de la ville, aux responsables et aux politiques, le fait de ne rien faire et de dire non, c'est un trésor ce que vous avez là. Ah mais c'est une friche, non, c'est un trésor. On peut regarder autrement, pourquoi? Mais parce que ça accueille une diversité chassée de partout ailleurs. C'est ça le tiers paysage. Et au lieu d'appeler ça le troisième paysage, après celui de l'ombre et celui de la lumière, je dis c'est celui de la diversité, et je le nomme tiers paysage, en référence au tiers état. C'était la phrase de Sieyès au moment de la Révolution. Qu'est-ce que le tiers état? Ben c'est tout le monde, c'est la diversité justement humaine. Bon, qu'a-t-il fait jusqu'à présent ce tiers état? Ben pas grand-chose, il n'avait pas les moyens. Qu'aspire-t-il à devenir? Quelque chose. Ben, il dit, ben, là, je ne sais pas si cette diversité-là aspire à devenir quelque chose, mais nous avons besoin d'elle. Nous devrions la regarder comme quelque chose qui est justement un trésor. Nous en dépendons. Notre futur est conditionné par son existence. Mais alors, du coup, une fissure de béton, une friche industrielle. Oui, mais tout est possible. J'ai vu comme ça, sur des redans involontaires de l'architecture, des tout petits comme ça, des tout petits partie horizontale, à très haute altitude même parfois, des choses qui poussent. Vous parliez tout à l'heure de la base sous-marine de Saint-Nazaire. Moi, quand j'y suis arrivé pour la première fois, j'ai pas tout vu malheureusement, parce que deux ou trois ans auparavant, ils avaient nettoyé, paraît-il. C'était très dommage. Il y avait déjà des trésors arrivés tout seuls. Il paraît qu'il y avait même un pommier. Je l'ai pas vu. Mais j'ai vu d'autres choses. J'ai vu des ombiliques, qui sont des petites plantes crassulacées magnifiques qui poussent dans les fissures comme ça suspendues. Il n'y avait pas de sol, il n'y avait pas de terre. Les racines se nourrissent de ce béton en décomposition lente sous l'effet de la pluie, de la dissolution. C'est parfait. Tout le monde ne se contente pas de ça, mais il y a des espèces qui sont capables de pousser là. Et je dirais qu'elle est même plus riche, cette diversité, en sol pauvre, en sol riche, c'est-à-dire riche d'un point de vue pédologique agricole. Elle est pauvre, la diversité, parce qu'on n'y trouve que des plantes nitrophiles gourmandes, qui ne sont pas très nombreuses. Dans des sols pauvres d'un point de vue agricole, ben là, on trouve beaucoup d'espèces. Eh bien, j'avais toujours un point de repère, c'était un vieil arbre, je ne sais plus lequel c'est maintenant, et c'était dans le Luxembourg, et après là, je me repérais. Oh oui, parce que j'aime beaucoup là, parce qu'il y a beaucoup de fantaisie. Je là, connais, c'est le boulevard Saint-Michel. Oui, parce que je connais beaucoup de monde. Oui. Alors c'est là qu'on me dit bonjour, parce que je suis toujours seule. Alors, je n'ai pas de vie à la maison, c'est toujours enfermé, je suis toujours clouée. Alors là, il y a de la vie, je connais beaucoup de monde. Alors, bonjour 5 minutes, bonjour à l'autre, et puis voilà. Alors, comme ça, c'est dans le temps. Vous voyez, une amie qui vient là, elle vient me dire bonjour. Voilà. Elle est toujours toute seule, toute la journée. Alors, là, je vais rentrer, ben, je suis encore toute seule toute la soirée. Alors, tandis que là, dans l'après-midi, ben, là, je connais. Oh, ben, écoutez, si je dis bien pas une trentaine de bonjours par jour, c'est pas. Hein. Enfin. Mais oui, mais elle, on arrache une petite feuille, elle dit oh, j'ai mal au cœur. Quand même, vraiment, moi je trouve que. Elle dit oh, ça fait mal au cœur d'arracher, on dirait qu'on arrache à moi quelque chose. Dès qu'on est dessus, on se cassera une jambe, bon bah. D'accord, mais on va pas lui casser quelque chose, à l'arbre il est beaucoup trop gros. Sauf on arrache de l'herbe, elle dit oh non, s'il vous plaît, faites mais pas ça. Mais pas quand même, pas pour l'herbe. Ah si! Je dis, si tout le monde faisait comme ça, ben, il y aurait plus d'herbe. Moi, tu mettras le câble rouge en direct, hein, comme tout à l'heure. Ouais. Le câble rouge en direct. Et puis, on passera là dans le deuxième chêne, on passera avec au petit sac. Hein. Faudra passer dans l'autre, non? Alors là, bon, vous avez vu, on a fait des mesures sous traction. J'ai aussi fait des schémas. J'ai pris un ensemble de notes qui me permettent de décrire l'arbre dans son ensemble et puis d'avoir ses mesures de réaction aux tractions. Chaque arbre a ses propres dimensions, bien sûr, son propre rapport volume du houppier, dimension du tronc et donc sa propre prise au vent. Un de ses voisins était atteint par cette fameuse armillaire, qui est donc un pourridier racinaire, et que son inclinaison par rapport à l'air de jeu était plutôt dangereuse, et on voulait lever le doute, est-ce que cet arbre, oui ou non, a le système racinaire attaqué, et dans quelle proportion surtout? Parce qu'il y a d'autres arbres qui sont inclinés. Enfin là, on regarde autour de nous, il y en a d'autres. Absolument, c'est pas tant l'inclinaison de cet arbre qui nous a interpellés, c'est l'inclinaison plus l'altération basale, et le décollement des corps. Donc ça demande donc de faire une analyse spécifique de chaque arbre avec ce logiciel-là en particulier qui va prendre en compte, comme je vous disais, une vitesse de vent de référence qui est une vitesse de type tempête. Donc la référence, un exemple de référence, c'est la tempête de 99. C'est un événement exceptionnel, particulièrement violent, et on parle en général de tempête cinquantennale. Donc c'est des événements qui vont revenir deux fois par siècle en moyenne. Moi, mon travail, c'est de lui dire, au niveau sécurité, il n'y a pas de problème. Voilà. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez quand même augmenter encore la sécurité avec une légère taille de houppier. Sur un arbre de 28 mètres comme ça, par exemple, si pour revenir à un niveau de sécurité de 1,5 ou de 2, ben parfois, une taille de 2 mètres sur 28 mètres de hauteur va suffire. Alors, si j'ai plusieurs méthodes, moi, on utilise le son pour ça. On plante des clous, on met des capteurs, on tape sur les clous, et donc ça envoie une onde sonore dans le tronc, et en fonction de la vitesse de propagation de cette onde sonore, et après un traitement de données et un traitement d'imagerie, on arrive à faire une cartographie de l'intérieur de l'arbre. Mais là, maintenant, on veut de plus en plus d'arbres dans les villes, parce qu'on en a besoin. Oui, on en a besoin, mais c'est pas tout de dire qu'on en a besoin, mais ça veut dire qu'il faudrait redessiner les villes en fonction des arbres, et pas le contraire. En fait, on a créé des villes, on a dessiné des villes, puis un jour on s'est dit, tiens, ce serait sympa de mettre des arbres. Et on leur a donné le peu d'espace qui restait. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faudrait faire. Il faudrait déjà mettre des arbres et créer la ville autour, en respectant l'espace qu'il leur faut. Et notamment sur le plan souterrain. L'appareillage nécessaire, vous l'avez toujours dans votre voiture? Oui. C'est une installation que vous avez fait vous-même? Oui, oui, oui, ben oui. Comme un SOS médecin, toujours dans votre camionnette à travers la France et l'Europe? C'est l'impression que vous avez construit votre camionnette un peu autour de ça. Ah ben oui, bien sûr. Ouais. Ah ben oui. cage pour les oiseaux. J'avais pas vu. Giuseppe Pennone. C'est sympa, non? Maintenant, c'est 18 ans qu'il est là. On l'a installé en janvier du 2000 et il y avait juste eu la tempête. Et de loin, on peut, enfin, quand on est de loin, on ne peut pas identifier que c'est une création humaine, cet arbre. Oui, mais c'est. Et donc, évidemment, qu'on pense à la tempête avec les racines, comme des arbres qui ont été arrachés. Oui, en plus, ce n'est pas habituel de voir un arbre horizontal d'un jardin à la française. C'est quelque chose qu'il faut tout de suite enlever. Alors, c'est déjà ça, c'est un contraste. Oui, on se dit, quand on est très loin, en tout cas, et qu'on ne connaît pas cette œuvre, on peut se dire, mais quel est le jardinier qui a laissé cet arbre Oui, bien un accident qui vient d'arriver. Non, mais le bronze, c'est une matière qui fossilise le végétal d'une façon extraordinaire, parce que avec le temps, il prend la patine. Là, ça, c'est pas patiné. Il a pris sa patine pendant les années et il s'est toujours parfaitement intégré avec la couleur des troncs des arbres. Et l'arbre, déjà, c'est une. Il fossilise dans sa forme son existence. Il pousse par des cernes successifs, et chaque cerne, c'est une année de croissance. C'est un être qui mémorise tous les gestes nécessaires à sa vie. N'importe quel élément de son corps devient sa propre structure, sa propre forme. Pensez à un artiste qui arrive, un sculpteur qui arrive à faire une sculpture qui a la nécessité de sa vie. C'est extraordinaire. Et l'arbre, c'est un exemple extraordinaire de sculpture, si on le regarde sous ce point de vue. C'est une sculpture parfaite, parce que chaque élément de sa forme a une nécessité qui est liée à ses besoins vitaux. Si vous appuyez l'oreille à un arbre et après vous frappez l'arbre, ça se fait une petite frappe, vous entendez le bruit, qu'il y a une diffusion du bruit dans la structure de l'arbre qui va vers le sol et vers les branches. Il fonctionne comme un diapason. Et à partir de ça, j'ai essayé plusieurs arbres. C'était toujours très différent parce que ça dépend aussi si l'arbre a les feuilles, s'il n'a pas de feuilles. Mais même les différents bois d'ondes sont différents. Mais on peut le jouer quand une fois qu'on a. C'était cette idée qu'on pouvait comprendre la structure, la forme de l'arbre parmi la diffusion des vibrations sonores. Vous avez grandi en ville ou en forêt, vous ? Moi, j'ai grandi dans un village qui n'était ni ville ni forêt. Mais bien sûr, mon enfance était toujours dans la nature, dans le bois. Il y a beaucoup d'éléments qui. Et c'est quelque chose. C'est une forme vivante qui n'est pas, surtout qui n'est pas agressive pour l'homme. Qui porte l'empreinte du temps. Porte l'empreinte du temps, mais en même temps, ça ne, c'est pas comme des autres animaux qui étaient en danger. L'homme, il l'a agressé pour son économie, mais c'est pas l'arbre lui-même. C'est pas qu'il nous frappe avec ses branches. C'est nous qui le frappons. Parler pendant des heures de ce que l'arbre représente. Le mauvais son, c'est quand ça se rapproche un peu un tonneau, vous voyez un peu la sonorité un tonneau, du creux. Ça sonne plein. Là, c'est moins bien. Après, ça peut être très trompeur. C'est vraiment un examen. Tu vois, ça a l'air quand même très ancien en même temps. Oui, c'est très ancien. Oui. Ils répondent tout d'abord, le corps végétal, un arbre, c'est un corps amphibie, en fait. Un corps qui a deux parties. L'un qui va vers la hauteur et qui veut capter la lumière. Et l'autre qui va vers la profondeur de la terre. Ils sont deux corps au fond symétriques, simultanés, qui vivent deux vies coïncidentes et opposées, etc. etc. Donc, il y a cette chose qui est peut-être la première chose que toute autre forme de vie doit nous renseigner, le fait qu'on est opposé, différent, mais en même temps, on partage la même vie, en fait, exactement la même vie. Et que la vie ne peut que se donner dans cette différence et dans ces rapports interspécifiques. On est cette espèce seulement parce qu'il y a l'autre espèce. Ce n'est pas possible de définir une espèce sans définir la relation qu'on a avec l'autre espèce. On ne peut pas définir l'homme, par exemple, même l'homme moderne, sans définir toute la relation que l'homme moderne a développée avec le blé. Et à l'inverse, on ne peut pas définir le blé, qui est devenu l'une des plantes les plus endémiques au monde, sans définir sa relation d'amitié, de complicité profonde que la plante du blé elle-même a développée avec l'espèce humaine. Et deuxièmement, un arbre, c'est un être qui arrive à vivre beaucoup plus que nous, qui fait rythmer les temps, qui est capable de rythmer les temps de manière très très différente par rapport à nous, et donc qui est capable de sentir les mondes, d'avoir une mémoire du monde, une mémoire de ce qui se passe dans les mondes, par exemple tout ce que la pollution aérienne, etc. Donc ça, et ce qui me fascine beaucoup personnellement dans un arbre, c'est que les arbres sont ces êtres qui ont un rapport effectivement différent à la mort, tout d'abord parce que l'individualité des arbres est très différente de la nôtre. En fait, l'être vivant le plus vieux au monde, apparemment, c'est une plante qui existe en Tasmanie, qui s'appelle Lomatia tasmanica, et dont on a découvert que voilà, la petite forêt présente en Tasmanie aujourd'hui est génétiquement identique aux fossiles retrouvés quelques mètres à côté et qui date de 43 000 ans avant. Donc c'est un être, effectivement, qui vit 43 000 ans, tout en se renouvelant, tout en prolongeant son corps. C'est comme si moi, je pouvais, en fait, dès que je touche terre, mon bras produisait un autre Emmanuelé qui faisait sa vie, mais c'est moi-même, etc. etc. Donc, mais il y a aussi un rapport à la mort qui est très différent d'un autre point de vue. Au fond, le cortex d'un arbre, c'est des tissus morts. Et j'ai trouvé toujours fascinant cette capacité d'exploiter la mort pour devenir plus solide, en fait. Au lieu de fuir la mort ou de se débarrasser de ce qui est mort en toi, tu fais ça pour devenir de plus en plus haut, pour devenir de plus en plus grand, pour être plus solide. Et tu exposes cette mort aux autres, en fait. C'est très, très bizarre. C'est très difficile à penser, mais c'est très noble, en fait, comme attitude face à nos petites mesquineries. Ça, c'est peut-être quelque chose dont on peut apprendre, même moralement, quelque chose de plus. Hein ? On se met à la fourche là. Donc j'aimerais, être au-dessus pour pouvoir être. Mais ça, t'as les rejets là qui sont chiants. Et après, en fait, j'enlève le petit sac et je mets ma corde de rappel à la place de celle-ci. Et là, je pourrais grimper dans l'arbre. D'accord, donc là, vous essayez juste de voir juste à quel endroit où vous pouvez grimper. Plus je suis haut, mieux j'arriverai à me déplacer en bout de branche ou des choses comme ça. Et tu veux juste de côté un peu. Juste un peu. Merci. Ah, purée. Clément, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que c'est votre définition du jardin ? Le jardin, pour moi, c'est un territoire mental d'espérance. C'est-à-dire que c'est un endroit où la question même de la nostalgie n'existe pas, puisqu'on est pour demain. Mais une graine, c'est pour demain. On taille, c'est parce qu'on espère qu'il va se passer quelque chose. On attend quelque chose, mais on sait qu'il faut avoir du temps. Hein. On n'a pas la réponse immédiate et on est toujours surpris par la réponse. Donc c'est aussi un territoire d'étonnement, le jardin. Mais ça suppose un dialogue avec cette diversité énorme qui existe, qu'on a encore dans notre rapport possible. Je ne dis pas à notre disposition, parce que ce n'est pas tout à fait ça, mais elle existe encore malgré les dégâts qui sont considérables et il faudrait qu'on apprenne à mieux la comprendre. Vous dites qu'avec la création d'un jardin, on entre dans une dimension politique. Oui, enfin, c'est à partir du moment où on se trouve pas forcément d'ailleurs dans un jardin en soi qui est un espace sous la main d'un jardinier qui est un petit enclos, bon, mais dès qu'on est dans l'espace public, bon, là obligatoirement on est dans un espace politique. Police, la ville, et on est dans la régie d'un espace qui intéresse un commun, un ensemble d'utilisateurs de l'espace. Et là, pour ces raisons-là, on entre en politique, même si on ne le veut pas. Hein, c'est pas du tout. Alors après, la façon dont on gère, dont on entretient, qui est soit de l'exploitation, soit du dialogue et intelligent, moi je dirais, c'est-à-dire sans épuiser le vivant, là ça devient politique à cause de l'économie. Et là il n'y a pas d'échelle pour ça. Ça peut être un jardin privé comme un jardin public. Dès lors qu'on cesse de se trouver dans l'obéissance et la soumission au modèle économique qui impose tout le monde, vous devez consommer ça, etc., à ce moment-là, même si on ne le désire pas, on devient politique, oui. Plus haut. Il faudrait repenser peut-être le mode de présence du végétal en ville. Okay. Non seulement d'un point de vue d'exploitation agricole, de réintégrer l'exploitation agricole en ville, mais aussi de repenser la présence du végétal, soi-disant ornemental en ville, une fois qu'on a posé l'identité, la dignité, des statuts des plantes et des animaux, c'est-à-dire la capacité des plantes de percevoir, d'avoir une conscience, d'être à part entière des individus. On devrait s'interroger sur leur présence en ville, exactement comme on s'interroge sur la présence des animaux. Donc on devrait imaginer, par exemple, si on met dans une place une quinzaine d'arbres, il faudrait penser qu'est-ce que cela voudrait dire installer dans cette place une quinzaine de lions, une quinzaine de chiens, et comment donner à ces chiens, à ces lions, la meilleure vie possible. De la même manière, il faudrait s'interroger, poser un arbre dans la ville, ça doit signifier à chaque fois s'interroger comment rendre possible leur vie de la manière la plus digne possible et la plus intéressante possible. Comment les laisser s'épanouir de manière la plus puissante possible. Et cette question est une question qui demande à repenser non seulement l'espace urbain, mais les jardins, et qui demande à réimaginer totalement la réalité des êtres vivants en ville et pas on met du végétal pour mettre de la couleur verte dans un espace gris ou marron, en fait. Pensez une modernité végétale, pensez une modernité animale, ou une hypermodernité végétale, une hypermodernité attention animale. Je pense que c'est ça, d'un point de vue de vision, ce que devrait nous inspirer. On n'a pas des solutions. Il faudrait peut-être commencer à dire on a très peu de solutions. Il faut étudier beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut passer les prochaines 10 ans à étudier. On sait ce qui est urgent à faire, interdire le plastique. Mais après, il faut vraiment étudier. Les mondes ont changé. Il faut juste étudier, penser, imaginer, agir, etc. Mais pas avec ces solutions, pas avec l'attitude du prêtre, en fait. Mais on ne peut pas non plus, c'est ça qui me dérange énormément, se contenter de dire il faut arrêter de prendre des avions, il faut arrêter de... Parce que, tout d'abord, il y a un problème d'ordre politique et colonial, c'est-à-dire on ne peut pas, en tant qu'Européenne, plus mec blanc, dire à Pékin, à Téhéran, à Bombay, eh bien nous, on a vécu avec 3 réfrigérateurs, 3 machines à linge, 3 voitures, maintenant c'est fini, le parti c'est fini, et vous, il faut que vous cultiviez la terre bio, il ne faut pas manger trop, il faut pas... C'est vraiment un truc hyper néocolonial, donc on ne peut pas, juste on ne peut pas. Donc il faudrait penser la ville comme forêt, c'est-à-dire comme réseau d'une biodiversité croissante et qui arrive quand même à nourrir tous. Parce que les problèmes, c'est facile de dire oui, on réintègre, mais il faut quand même nourrir les 9 milliards de personnes